changeant vers elle sans vent. Cold blood. Ego. Yon fidèle, pas besoin de la loyauté de cette go. J'claque le bénéf à la madeleine et dans le frigo. Pas comme un frère, un pote, ça se remplace à Miko. Tu gagneras pas avec nous, y'aura pas d'ex-écho. Faut pas t'en faire, on assume nos affaires QLF. Connaissent pas l'oseille, doit rapidement brûler par le bénéf. Mes ennemis dans le viseur, goûtent mon sang sur les lèvres. J'aime faire péguer le hagal, j'aime quand le bien s'élève. Cherche mon épaule, la mif pas pour la chenque de ta pute. Verre d'alcool me rappelle que j'ai la haine quand j'ai bu. Fils de bandit, j'ai vu, j'ai grandi. Tu fais la rue, tu fais la rue. On se capte demain, la même heure, la même hesse, même tarot. Lâche à la rente et pense à mon sang derrière les barreaux. J'arrête les bails, l'oseille fond et je repars de zéro. Et de nouveau le coffre est chargé, me rappelle le giro. C'est pour ceux qui crèvent isolés, tous ceux qu'on oublie. C'est pour mon zou, Nakia, bébé Mougli. Y'a qu'à la merde aux gens bien et aux petits qu'on sourit. Que la famille dans les yeux, tu élèves, j'peux mourir. Toute ma vie, la la, la la. Que la mif, la la. QLF, la la. J'ai pas de casser ton cou. Gros fait pélec, t'es mort dans le film. J'ai même plus besoin de tâter ton pouls. Faut du soleil, j'suis frileux comme Sanka. J'tiens à son poule, j'ai pas besoin de Red Bull. Naha m'appelle, copine attend. J'veux du taga ou j't'envoie des mandats. Dehors ça pue, les PD me hyènent. J'perce pas car j'ai pas une voix de mi-M. Et les minettes, j't'en parle même pas. J'trouve pas la bonne, j'vois des tonnes de JM. J'ai la même dégaine, tu connais, j'suis cramé. Petit bob sur la tête, c'est dur de sourire. J'fais pas la fête, le cœur est noir. Voilà, j'ai même plus envie de vanner. Mais j'suis confiant, toi-même tu sais. J'suis plus déterminé, des enfoirés. En attendant, j'suis à l'hôtel. J'ai besoin de sentiments, tu connais le taré. J'ai les mains sales, c'est la merde obligée. Quand j'fais l'auto, j'fais peur au robinet. J'ai beaucoup d'ennemis, j'porte du DG. J'les ken, ils m'font pas porter de gilet. J'suis en mode Cuba ou Mexico. Hola chica, adios mi amigo. Faut soin de mon cœur, faut soin de ma chico. J'les prends en ibang bang ararico. Ils m'jalouent, j'm'en fous, j'suis parano. Si j'me mets Toro Mario Zamorano, j'leur mets le crochet. En touche, ils me disent pourquoi je dis je vais plus au ballon. Si tu voyais la Red Bull V6, je vais aller jouer, je vais attendre la petite. Fois que le palu est la troisième série, garde les gros crabes, les braves à l'appétit. Là, là, là, je t'oublie pas. Papa, je suis en bas. Papa, je fais clic bas. Papa, la la. Toute ma vie, la la, la la. Que la mif, la la.